La bourse. Quel est cet édifice où la foule se presse? C'est le temple du dieu que révère Lutèce, de l'enfant de Cérès, de l'aveugle Plutus, favorable aux méchants, intraitable aux vertus. C'est le rénovateur, l'unique dieu qu'honore, que le nouveau Paris avec ferveur adore. C'est le dieu de ce cycle en vice si fécond, qui creuse sous nos pieds un abîme sans fond. Qui hardi, sans pudeur, a pris pour sa devise « Quand riche je jouis, c'est peu qu'on me méprise. » Ô toi qui fus longtemps éloigné de ces lieux, rêvant pour ta patrie un avenir heureux, toi qui la revoyant le cœur tout jeune encore, crois aux saintes vertus d'une ère tricolore, entre dans ce palais au superbe fronton, noir antre que régit le sceptre de Pluton. Suis-moi dans cet Olympe ainsi qu'heureux l'appel, celui qui sait dompter la fortune rebelle, qui rusé se dérobe à son prisme changeant au moyen des secrets de l'espion géant. Déjà le dieu revêt sa parure de fête, c'est l'heure où de feston il couronne sa tête. Franchissons le portique, et quoi, la vérité, la rigide vertu, l'austère probité, qui de l'homme de bien sont l'ordinaire escorte, craintive, s'effrayant, s'arrêtent à la porte, et la franchise essaie en vain de la forcer. Mais librement on voit le vice s'avancer, les perfides rapports, les trompeuses nouvelles, l'audacieux mensonge aux ténébreuses ailes sont les hôtes chéris de ce fatal séjour. Mais déguisant leur nom pour s'y montrer au jour, sous de flatteurs aspects, le crime s'y consomme. Là, le hideux mensonge, habileté se nomme. La ruse, prévoyance, et le vol, bon calcul. La loyauté s'y dit défaut de l'homme nul. La fourberie, enfin, s'y répute sagesse. Et seul on y connaît le règne de l'adresse. Esclaves du hasard, organes de ses lois, déjà se font ouïr ces impassibles voix du fantasque destin, capricieux augure, qu'une foule livrée aux muettes tortures d'une attente sans foi, oui, pire que la mort, écoute avidement comme l'arrêt du sort. Mais quel est clandestin ce furtif émissaire qui, presque officiel, prononce avec mystère quelques mots apportant aux uns joie et bonheur, aux autres désespoir, angoisses et terreurs. L'agitation suit cette voix assassine. C'est l'agent de l'enfer, l'ange de la ruine, dont l'invisible main change soudainement de ce flux et reflux le fatal mouvement. Mais là, tout est gazé, tout dans l'ombre s'opère. Pour de ce noir séjour comprendre le mystère, il me faudrait pouvoir lever le voile humain que posa sur tes yeux le Créateur divin, te montrer du futur la redoutable arène. Évoquant du passé la désastreuse scène, dans une déplorable hallucination, t'expliquer par l'effet chaque oscillation. Montrer à ton regard l'impitoyable roue s'agitant dans des flots d'or, de sang et de boue, écrasant chaque tour des milliers d'insensés par un appât trompeur autour d'elle amassé. Eh bien, quand sonnera minuit l'heure fatale, recherchons le revers de cette saturnale, à cette heure où les morts libres de tout lien échappent un instant à leur sombre gardien. Oseras-tu franchir cette sanglante mare qui défend les abords de ce palais barbare? Pourras-tu, dis-le-moi, sous tes pas chancelants, écraser sans frémir ces cadavres sanglants, effroyables moissons, noirs fruits de suicide? Verras-tu sans effroi ces fantômes livides devant toi se dressant, montrer à ton regard, dans leurs flancs déchirés, la trace du poignard, dans leurs crânes ouverts la balle demeurée, se réveillant aux cris d'une foule éplorée de mères, d'orphelins inondés de leurs pleurs, réclamant au trépas en vain leur protecteur, sans espoir dévolus à la faim, la misère, à la morgue cherchant le repos du suaire. Ce n'est point tout encore. L'infâme déshonneur portera son tribut à ce tableau d'horreur, des crimes conduisant l'escorte épouvantable à l'honneur de famille, hydre si redoutable, succombant sous le poids d'ignominie fer. Arrête, c'est assez, mes yeux se sont ouverts. Je le vois, le démon ennemi de la France, qui sur la soif de l'or veut fonder sa puissance, mais le lucre honteux au-dessus des honneurs fait de la nation un peuple de joueurs, gangrène son esprit, souille son caractère, et veut pour la dompter la rendre mercenaire, est le plus grand fléau qui lui puisse advenir. L'astre pernicieux a ses jours à venir, lutèce sous ce joug, oui, deviendra l'image de la fille de Tyr, de l'horrible Carthage, de cette ville d'or aux mensongères lois. Trop heureuse patrie, hélas! Si tu ne vois sous un nouvel anon fourbe à la loi punique, s'engloutira jamais la fortune publique. Juin 1835.